une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous faisions la connaissance, grâce à Nejma Bouakra et Julie Bérécy, d'un certain Varian Fry. On a dit de lui qu'il était le Schindler français. Le 15 juillet 1935, il est à Berlin et assiste à de cruelles séquences d'un pogrom qui lui confirme quant à l'antisémitisme des sbires d'Hitler. Les États-Unis cherchent un homme rusé et discret pour faire sortir de France les artistes et les personnalités persécutées. Résistant avant l'heure, comme le décria Victor Serge, dès août 1940, Varian Fry va tenir une liste de 200 noms des personnes à sauver menacées par la Gestapo et l'allonger pendant plus d'une année, permettant à près de 2000 personnes de s'échapper de Marseille, devenue souricière. Parmi les noms, on compte André Breton, Claude Lévi-Strauss, André Masson, Victor Serge et bien d'autres. Aujourd'hui, retour à Marseille, le 29 mars 1942, il est temps de partir et nous montons tous à bord du bateau, le capitaine Paul Lemerle. C'est un moche cargo, mais c'est un bateau qui va sauver des hommes. C'est vraiment pas un transatlantique, non, pas du tout. Ça part, c'est in extremis, ça fait partie des contradictions de l'état vichiste qui laisse partir des gens, mais c'est dans des conditions tout à fait éprouvantes que ça se passe. Il y a des gendarmes, il y a des CRS, ils sont mitraillettes au poing, ils sont casqués, il y a une longue file d'attente, et après ils vont se retrouver dans une soute. La plupart du temps, c'est dans des dortoirs absolument infects où les hommes et les femmes sont séparés qu'ils vont partir. Le 24 mars 1941, le destin des lettres françaises. Épisode 2. Le capitaine Paul Lemerle sur le pont de l'amitié. Un documentaire de Nejma Bouakra et Julie Bérécy. Tout le monde est sur le pont, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ils sont plus de 200 dans un bateau qui a 4 ou 5 cabines. Et donc, c'est une traversée horrible. D'ailleurs, le bateau, comme tant d'autres, aurait pu être torpillé. On imagine quelle perte ça aurait été. Donc c'est pas le bonheur, c'est vraiment la fuite désespérée dans des conditions qui est terribles. Il paraît que Breton avait un gros manteau d'hiver, être comme un ours pour se promener sur le pont. Et puis voilà, c'était quelque chose d'assez douloureux en fait, mais en même temps avec l'espoir d'arriver en face. Et donc, fallait supporter cette traversée du pire vers l'espérance. Coup de dé n'abolira jamais le hasard, ni sa cruauté. Les navires dans la rade de Marseille sont les sauve-qui-peut des réprouvés de Vichy, des persécutés du nazisme. L'auteur Walter Benjamin, l'homme des passages, n'obtient pas de visa pour les États-Unis. Il emprunte les chemins des contrebandiers jusqu'à l'Espagne et à l'annonce d'un impossible départ, se donne la mort. La philosophe Simone Veil reste à Marseille. Réfugiée parmi les réfugiés, elle alerte les autorités sur les conditions d'internement des Indochinois et de ses compatriotes devenus apatrides, les indésirables parqués dans des camps en zone libre. Elle tentera de gagner Londres, la résistance. Un coup de dé, un coup de main, son destin dans un tampon, les sésames, les visas d'entrée et de sortie. Il faut triturer la tente. Quel sera le cargo du départ? Le Montréal? Non, sombré entre Dakar et la Martinique. Les cargos, pourchassés sur tous les océans, refoulés de tous les ports, sont de ceux qu'on laisse brûler en haute mer plutôt que de leur laisser jeter l'ancre. Les papiers des passagers étant périmés. Note Anna Segers en transit. Elle est du voyage, avec André Breton, Wilfredo Lam, Lévi-Strauss et Victor Serge, un 24 mars 1941. Ce qui me frappe au-delà, non pas de l'image du bateau, parce que l'image du bateau, elle est assez banale, en fait. Sinon, ce vif pétain qui est arboré. Adrien Bosque, auteur. Non, c'est plutôt cette photo sur le pont du bateau de Loewenstein. Il y a une sorte de fascination, vous voyez, un petit peu comme cette image qu'avait Barthes sur le « ça a été », qui vient attester la photographie, ce qu'il dit dans la chambre claire. Et donc, à partir de cette photo du Paul Lemerle, une photo de groupe sur le pont du bateau, et sur cette photo, on peut voir, par exemple, Victor Serge, tout à gauche, Wilfredo Lam, les visages ont l'air joyeux, les visages ont l'air peut-être presque sauvés, quelque chose d'un premier sauvetage, d'une première impression, comme ça, à l'instant, que l'on est déjà un peu loin de cette Europe en feu, et en même temps, que sait-on réellement de ces visages? On voit Victor Serge, tout à gauche, dans une veste comme ça, une veste assez lourde, de peintre, un petit peu, la main dans la poche de sa veste, les yeux plutôt baissés. Jacqueline Lamba est juste à côté de lui et porte sa main sur le parapet et détourne son regard de l'image. Elle ne regarde pas l'objectif, c'est la seule. Ce ray de lumière qui vient comme ça presque effacer le visage de Jacqueline Lamba, mais qui est sans doute un défaut de surexposition ou même un défaut de tirage de cette photographie. On voit Wilfred Olam deux rangs plus à droite, le plus proche du parapet lui aussi, et lui regarde en contrebas. Moi je lui vois une forme d'allégresse, et on voit un enfant qui traverse comme ça et qui semble sortir du cadre. Alors soit c'est un des enfants des passagers, soit c'est un des enfants des Espagnols, ces femmes embarquées sans leur mari sur le bateau. Le 25 mars, nous embarquâmes sur le capitaine Paul de Merle. Les Français seuls avaient des cabines. Nous étions en cale, dormant sur des litières mal rabotées, repoussantes. Enfin, nous étions saufs. Quelques jours plus tard, il y eut une mutinerie. Mal nourris, nous avions appris par hasard que le bétail parqué sur le pont avait été payé pour nous servir de vivres. La rébellion fut suivie d'effets. On nous distribua le pain gratuitement et l'on tua un bœuf. Le voyage dura 30 jours. Victor Serge. Qu'est-ce qui menace ce bateau ? D'abord, ce qu'ils ont à craindre, c'est d'être arrêtés en mer par l'amirauté britannique, puisqu'on est dans ce moment de la guerre où, après Merzel-Kébir, se joue en Méditerranée une sorte de bataille navale, si vous voulez, en tout cas de défense de zone entre l'amirauté française, britannique et allemande. Et d'autres pays, évidemment, déjà entrés dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale. C'est une sorte de cache-cache auquel joue ce capitaine. Il ne prend jamais la haute mer, si vous voulez, lors de sa traversée de la Méditerranée. Il longe, il ne fait que traverser en diagonale vite jusqu'à Oran. Et il s'agit bien d'un jeu de dupes. Et il est d'ailleurs très clairement, à un moment, inquiété. Il est inquiété après Oran, où il y a une série de tirs au niveau de Nemours. Il re-rentre à Nemours, il décharge une cargaison, qui est sans doute la cargaison suspecte, repart avec une sorte d'escorte improbable, puisqu'il s'agit d'un vieux baleinier vieilli et un peu risible, va continuer sa traversée à Gibraltar, et Victor Serge la raconte bien dans ses carnets, jour après jour, et montre bien à quel point l'inquiétude sourde, et surtout celle de l'équipage d'abord, qui s'inquiète d'être arraisonné. Lorsqu'ils ont pris la mer, la haute mer, on pourrait dire la deuxième pente de la traversée vers la Martinique, eh bien là, la crainte est la crainte des torpilleurs allemands, mais des torpilleurs autres qui pourraient couler le navire. Le City of Benares, par exemple, a été coulé en mer à cette période. Et donc la crainte est réelle. André Breton, fort mal à l'aise sur cette galère, déambulait de long en large sur les rares espaces vides du pont. Vêtu de peluche, il ressemblait à un ours bleu. Entre nous, une durable amitié allait commencer par un échange de lettres qui se prolongea assez longtemps au cours de cet interminable voyage et où nous discutions des rapports entre beauté esthétique et originalité absolue. Claude Lévi-Strauss. Alors, de cette traversée transatlantique de 1941, on sait donc que Lévi-Strauss rencontre André Breton. Il l'a raconté dans Triste Tropique, André Breton l'a raconté également. Emmanuel Loyer, historienne. Et il va se produire cette chose tout à fait inouïe et étonnante, c'est que ces deux personnes, à l'époque, André Breton est une star, si on peut dire, artistique, hein, c'est le chef du surréalisme. Claude Lévi-Strauss n'est rien. Mais il est intéressé, manifestement, par les travaux anthropologiques. Ils ont l'occasion de discuter. Et ils ont eu de longues conversations autour du statut de l'œuvre d'art. Autrement dit, des longues conversations sur l'esthétique. Ce qui est tout à fait fascinant, parce qu'il faut quand même imaginer l'ambiance de ce cargo de proscrits, de fugitifs. Et finalement, leur riposte, leur réaction à cette histoire douloureuse, tragique, eh bien, c'est l'esthétique. Cette traversée raconte aussi le passage d'un état à un autre, un homme en devenir, Lévi-Strauss, qui n'est qu'un anonyme à ce moment-là, qui va vers son œuvre, et André Breton, qui serait plutôt une sorte de marquis déclassé, sans ironie là, je le dis bien, mais qui perdrait le lien à une communauté construite et qui n'aura de cesse, tout au long du voyage, de réunir de poste restante en poste restante la communauté surréaliste qu'il tente de réunir, de recréer par-delà les mers. La valeur esthétique d'une œuvre dépend exclusivement de sa plus ou moins grande spontanéité. L'œuvre d'art la plus valable étant définie par la liberté absolue de sa création. La valeur documentaire de l'œuvre se confond avec sa valeur esthétique. On peut imaginer une humanité dont tous les membres, exercés par une sorte de méthode cathartique, seraient poètes. Claude Lévi-Strauss. Du reste, ce qui est certain, c'est que le surréalisme, pour Lévi-Strauss, ça a toujours été un carburateur de pensée esthétique très fort, il l'a toujours dit, un exaltant, si vous voulez. Disons la hardiesse qui consiste à coller des images, la logique de collage, disons de juxtaposition, qui fait des étincelles. Et cette grande sincérité dans la façon de s'emparer des problèmes. Et cette probité, c'est le terme qu'il utilise bien longtemps après, et après qu'il se soit disputé, tout ça, en 1960, dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Le bateau, assez vite, naturellement presque, va se diviser en quartiers, quartiers qui portent des noms qui sont des noms de quartiers de Paris. On parlera pour les Allemands de Belleville. On parlera de Montparnasse pour le quartier des intellectuels, qui est sur le pont supérieur, où se trouve une table, et donc forcément, les intellectuels s'y réunissent, font débat, de sorte qu'assez vite, une sorte de université du pauvre Merle s'invente, le soir venu, et on appelle ce quartier du Montparnasse. Autour du pont du commandant, les nantis vont se retrouver, faire leurs affaires, construire aussi une vie de classe, puisque de classe, il n'existe pas au départ. On leur a vendu des billets de première et de seconde et il n'y a que des cales, eh bien, ils réinventent leurs privilèges et de sorte qu'on appelle assez vite ce quartier les Champs-Élysées, de telle sorte à recréer une micro-société le temps d'une traversée. Au large du Cap Vert, 10 avril 1941. On joue, on danse sur ce bateau. Comme on joue, on danse, on écrit de la poésie, on se sauve partout. Dans n'importe quelle situation, la plus dramatique, la vie s'impose. Elle s'impose soit sous la forme d'une société qui se recrée, soit sous la forme de joie brève, de joie immédiate. Et c'est bien cette idée que dans le péril, il y a un éclat. Cette idée, parfois, dans le moment de la perte, on saisit quelque chose, en tout cas de précieux. Et bien, lors de cette traversée, les seuls moments de joie sont des moments de joie partagés, absolus. Et à quelques journées de l'arrivée en Martinique, on célèbre le passage de la ligne au travers d'une fête. Cette fête de Neptune, comme elle est appelée, avait un côté un petit peu païen, une sorte de caramantran comme ça, où les membres d'équipage se griment, se déguisent en Neptune, se déguisent en demi-dieu et baptisent ceux qui pour la première fois traversent la ligne. Les néophytes sont plongés dans le bassin et puis une sorte de music hall improvisé où chacun y va de son numéro, de sketch ou de chanson ou de lecture. Le temps d'une soirée qui sera comme ça, comme une parenthèse dans cette traversée au moment où on passe d'un monde à un autre. Parmi les passagers se trouvait Germaine Krull, la photographe. Et il existe une photo qui montre un des hommes en train d'être baptisé, où il est sur une planche, un peu comme ces planches de pirates, en dehors des navires, et qui est ce moment où l'assesseur de la ligne le baptise. Donc on peut imaginer non seulement la fête de Neptune, mais Germaine Krull avec son appareil photographique en plein reportage. On voit bien qu'elle a déjà une démarche documentaire. À l'instar des autres, elle cherche à se sauver. Mais on peut considérer qu'elle a été, à partir du moment où elle s'est sue d'une manière sauvée, comme en reportage. Et parmi ces photographies se trouvent une dizaine de photographies de la fête de Neptune, dont elle-même disait avoir détruit les négatifs, et dont finalement un tirage avait été sauvé. Elle va écrire un texte, le texte porte le nom Sur un cargo, qu'elle imagine peut-être publier avec ses photographies. 20 avril 1941, la Martinique. Le hasard surréaliste, objectif, comme toujours, va obliger tout ce monde-là à faire une escale dans quoi ? Dans quelque chose qui n'existe pas. Une île de la Caraïbe, alors qu'on fit un continent en plein désordre pour aller vers un continent d'accueil. On fuit Paris, Berlin ou Madrid pour New York. On va vers du sûr, mais la Martinique ou Cuba, c'est pas ça. Ce sont des petites îles. Et le débarquement dans cette île est quelque chose de complètement surréaliste, complètement inattendu et pas du tout espéré ni souhaité. Parce qu'une île, c'est une barque. Ça peut se noyer. Ça n'est pas solide comme un continent, même un continent qu'on fuit. Et cette espèce d'escale au milieu de l'océan, en quelque sorte, dans l'arc Caraïbe, eh bien, elle va bouleverser beaucoup de choses. Comment sont-ils accueillis ? Ben, dans cette île, ils sont très mal accueillis, puisqu'ils sont dans une île où, solidement, le péténisme s'est installé. Nous sommes donc en pleine Amérique, dans un bastion fasciste et péténiste. Et le bateau, lorsqu'il arrive, ils ne sont pas accueillis, ils sont arrêtés. Et le terme qui est employé par les gendarmes et les douaniers, c'est la racaille. Puisqu'on sait que ce sont tous des gens qui ont fui Pétain, le nazisme, le fascisme et l'oppression. Donc, c'est sûr, ils sont tous la même racaille, quelle que soit leur fonction. Étrangers ou français, les Espagnols ou Victor Serge, Anna Segers l'Allemande, Wilfredo Lam le Cubain, André Breton le Français, Claude Lévi-Strauss le Juif français, tout ça c'est la racaille. Alors on est obligé de faire escale. Donc on est obligé de les laisser descendre. Ils ne sont pas prisonniers, ils n'ont rien fait. Mais on les emprisonne, on les met dans un camp pour les mettre à l'écart de la population et tout simplement attendre, encore une fois, comme à Marseille, un transit vers la liberté. C'est une terre occupée. Donc ils sont enfermés à Balata et ils exigent de pouvoir sortir. Et à un moment, on les laisse. Et c'est comme ça qu'ils peuvent aller à Fort-de-France un peu en liberté, surveillée. Et en descendant dans une mercerie de Fort-de-France, on voit une toute petite revue, toute pauvre, comme ça, le papier, le second rayon et tout. Et en ouvrant cette revue, ben les Bretons ou maçons, ils lisent « L'ombre gagne ». Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Le monde a besoin de nous aussi. Il est temps de se cindre les reins comme un vaillant homme. Comme un vaillant homme. Ou que nous regardions l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Vous imaginez découvrir l'appel à la résistance. Et là, il y a un miracle qui est la grande découverte. C'est la découverte d'Aimé Césaire, de Suzanne Césaire, de René Ménil. Ce n'est pas une revue politique, c'est une revue littéraire et poétique. C'est pour ça que le capitaine de la censure a laissé passer. Il dit, oh, c'est encore des trucs incompréhensibles, avec des poèmes compliqués. Ces petits Antillais parlent bien le français, qu'il faut les laisser. Et puis, ils parlent de Peggy, bon, c'est pas mal, c'est très bien. Ils font la promotion de la littérature française, c'est très bien. On surveille, on enlève les articles qui ne nous plaisent pas, mais on les laisse s'amuser. L'acte un peu extraordinaire, c'est que Breton ne la trouve pas dans une librairie, ni parce qu'on lui a offert. Il achète un ruban, il raconte ça, un ruban pour sa petite fille Obiacinque, dans une mercerie. Et sur le comptoir de la mercerie, il y a cette petite revue qui vient de paraître en avril. Elle vient de sortir, c'est-à-dire à quelques jours près, il ne la voyait pas. Et il l'ouvre, vous imaginez, on est en terre fasciste, il y a une petite revue. C'est quoi ? C'est un petit poète local dont vous veniez, le grand André Breton, est-ce qu'il va s'abaisser à jeter un coup d'œil sur une petite revue? Et c'est là que le miracle se produit, il est complètement subjugué. Je hais les fins qui capitulent en pleine récolte. Dire ça au moment du fascisme, du nazisme et de triomphant, parce qu'il triomphe à ce moment-là, hein, on a perdu, c'est quelque chose qui montre la puissance de la résistance. Cette petite île est comme une arche de Noé, finalement, parce qu'on y retrouve le monde entier. Breton y retrouve des choses auxquelles il aspirait. Lévi-Strauss aussi, Masson aussi. Or, c'est, encore une fois, un petit trou fasciste, avec des gendarmes partout. Le miracle, c'est que cette rencontre se soit passée aux Antilles. C'est-à-dire avec un personnage que ni Breton, ni Masson n'attendaient, ni Anna Segers, c'est la nature antillaise. C'est un personnage central de l'histoire des Antilles et qui a forgé cette idée de résistance aux malheurs et aux douleurs, comme les cyclones, les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les séismes. La puissance de résistance est à l'œuvre de manière permanente. Et quand Césaire et Suzanne décident d'amener dans une promenade dans cette forêt, André Breton, Jacqueline, leur fille, Wilfredo Lam et Elena, et André Masson et sa famille, il se passe quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont tous relaté ensuite. Et ce dimanche-là, dans une forêt d'Absalon, a donné des œuvres pour chacun d'entre eux, des tableaux de Masson, des poèmes de Breton, des poèmes de Césaire, un texte fondamental de Suzanne Césaire, un texte de René Ménil et le grand tableau chef-d'œuvre de Wilfredo Lam, La Jungle. Ça fait beaucoup pour une journée. Moi, pour te voir, j'écarterai les oiseaux mouches, j'éteindrai les lucioles, je ne garderai que la fleur de la liane. Masson est très subjugué aussi par ce paysage, plus encore que Breton, d'où leur dialogue, le dialogue créole, hein, ce texte à deux voix, hein, c'est très rare, Breton, Masson, et qui se passe dans la forêt. À quoi ressemble cette forêt d'Absalon ? À la jungle, au paradis, à quelque chose à l'extrême de la vitalité. Au sens propre, sur réalisme, plus vrai que vrai, plus fort que fort, les couleurs plus fortes que les couleurs habituelles, la grandeur des arbres plus grande que la grandeur habituelle. Et autour des arbres, eh bien, les épiphytes des lianes qui vivent et qui, plus que l'arbre lui-même, et qui font une espèce de puissance, de vitalité qui n'a pas de limite, en quelque sorte. Et où on peut se perdre, on dit le gouffre d'Absalon, parce qu'on peut se perdre si on ne suit pas les bons sentiers. C'est surréaliste, c'est-à-dire Breton dit dans leur dialogue, il dit ça. Mais c'est ça que nous cherchons dans nos poèmes, dans nos rêves endormis ou éveillés, et ou dans nos drogues, avoir un monde autre que ce monde restreint qui est le monde que nous avons fabriqué avec l'Europe. Et Masson est subjugué. On est là face à un feu d'artifice coloré qui témoigne finalement de cette libération physique mais aussi intellectuelle de l'artiste. Guillaume Tellière, conservateur. Et alors ce qui est absolument fascinant dans cette œuvre, Antille, quand on la regarde de manière assez frontale, on a l'impression d'être face à un tableau absolument abstrait, une sorte de phosphène, comme si on avait regardé trop longtemps le soleil et qu'on retenait simplement des lueurs abstraites. Sauf que quand on va se reculer, eh ben on va deviner au fur et à mesure l'anatomie d'une femme avec son sein, ses fesses qui rebondissent en hommage à ces danseuses antillaises. Et lorsque son œuvre est exposée, notamment à la galerie de Peggy Guggenheim à New York, Jackson Pollock va être émerveillé par ses œuvres. D'André Masson, il retient finalement cette libération de la couleur qui va le mener ensuite à cette exploration absolument abstraite, cette expérience du dripping, de ces coulures abstraites simplement jetées sur la toile. Breton, Lévi-Strauss et un certain nombre d'autres vont rester 6 semaines en Martinique et ensuite vont partir à New York. D'autres, comme Victor Serge, vont se diriger vers le Mexique. Et puis il y a d'autres exilés allemands, Germaine Krull, etc. Bon. Mais cette arrivée en Martinique était évidemment, on le sait désormais, l'occasion pour André Breton de rencontrer Césaire. Lévi-Strauss, lui, n'a pas rencontré Césaire. Il y a là 3 hommes qui sont contemporains de la débâcle, et de la débâcle non seulement française, mais de la débâcle européenne, de la grande débâcle européenne. À ce moment précis, c'est-à-dire 1941, au milieu de la guerre, entre 2 continents, l'Amérique, l'Amérique ethnographique, l'Amérique du Nord aussi, l'Amérique des Indiens, et l'Europe, une rencontre tout à fait étonnante entre l'anthropologie à travers Lévi-Strauss, le surréalisme et les intellectuels noirs, antillais, à travers Aimé Césaire. Autrement dit, il va y avoir là une sorte de moment où à la fois le joug colonial et le joug vichiste s'entrecroisent. Et c'est exactement ce que raconte Lévi-Strauss dans Triste Tropique, c'est exactement ce que raconte André Breton dans Au Trouble, qui est un des passages dans Martinique, Charmeuse Serpent. Tout à coup, ces Français qui sont plus tellement Français, en fait. Hein. Lévi-Strauss est juif, André Breton est un poète révolutionnaire en voie d'être dénationalisé. Donc vous voyez, tout à coup, ils sont, je dirais, à égalité avec ce citoyen de seconde zone qu'est Aimé Césaire, puisque les Antillais, depuis 1848, sont des citoyens français, mais des citoyens de seconde zone. C'est aussi ça qui va être la toile de fond, à mon avis, de cette grande révolution, à la fois anthropologique et, je dirais, postcoloniale, de l'après-guerre, qui, finalement, organise le décentrement de l'universalisme européen. Donc, toute cette histoire du capitaine Paul Lemerle et de ce qu'on pourrait appeler le rendez-vous antillais, eh bien, ce qu'ils vont faire de cette expérience, me semble-t-il, c'est de reconstruire des pensées du décentrement, de l'arrachement, finalement, au savoir-pouvoir de l'Europe. Il s'agit toujours de changer, je dirais, la mesure du monde. C'est une sorte de révolution épistémologique qui, à mon avis, est finalement l'enjeu de ce rendez-vous antillais. André Breton va véritablement lancer Aimé Césaire, je dirais, dans le champ littéraire international, parce que Breton va publier un certain nombre de poèmes de Aimé Césaire et va surtout aussi publier un texte, un grand poète noir, dans une de ses revues new-yorkaises, à une époque, en 1943, où New York est véritablement la capitale des lettres françaises. Et là-bas, à New York, Breton et Benjamin Perret publient des textes d'Aimé Césaire, et c'est Aimé Césaire met à la poste des textes parce qu'il craint que les fascistes en Martinique ne déchirent, s'ils viennent l'arrêter, ne déchirent les œuvres. Alors on les met à la poste et on envoie M. André Breton, New York, avec l'adresse au verso Aimé Césaire, Fort-de-France. Autrement dit, il y a une extraordinaire circulation de créativité, de création et de résistance entre les deux. Avec Emmanuelle Loyer, historienne, Daniel Maximin, auteur, Adrien Bosque, auteur, Guillaume Tellière, conservateur au musée Contini de Marseille, avec également Alain Père, galeriste, avec les voix de Sonia Masson et Thibaut de Montalembert. À la prise de son, Thibaut Nassim Ben, au mixage, Alain Joubert. À la coordination, Christine Bernard. Un documentaire proposé par Najma Bouakra, réalisé par Julie Berissi. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous parlerons de sœurs inséparables. Et ce ne sont pas les fameux oiseaux, mais c'est une autre histoire.